As I set down these notes on paper, I'm obsessed by the thought that I may be the last living man on Earth. Cataclysm, Bang Breath, Death Throw, Oblivion, Agent Steel, Come Far, and more! Sylvain Latour de retour pour Subversion, édition du 8 janvier 2016. Je suis avec vous en ce vendredi jusqu'à 19h30 sur Underground Québec Radio. Merci d'être au rendez-vous et merci principalement à ceux qui nous reviennent toutes les semaines. La page SoundCloud pour les balado-diffusions, notamment, nous font état de chiffres quand même assez éloquents, entre 700 et 800 écoutes à travers une trentaine de pays. Les chiffres, évidemment, c'est pas ce qui est le plus important, mais c'est surtout les auditeurs qui nous reviennent régulièrement, voire à chaque semaine, et ça, je dois vous en remercier, et merci d'écouter cette voix qui vous parle de heavy metal, qui vous passe des vieilles publicités douteuses et qui reçoit des invités ou des créatures douteuses parfois aussi. Non, c'est pas vrai. C'est terrien, c'est tout du bon monde. Donc, émission d'aujourd'hui, rien de spécial. C'est la semaine prochaine que ça va commencer à se spécialiser un peu, étant donné que le top 10 ou le top 20 là, des meilleurs albums de 2015 n'a pas été confirmé encore, du fait que bien des albums qui sont parvenus, du moins à mes sens, un peu à la dernière minute. Donc, avant d'analyser, de confirmer tout ça, on va essayer de rendre ça... équitable et de prendre les bonnes décisions en ce qui concerne cette liste. Donc, qu'est-ce qu'on va avoir pour commencer dans le premier bloc de trois pièces? On va entendre les Allemands de Death Row. On aura aussi du Agent Steel et on aura les Japonais Loudness, vraiment un de mes groupes fétiches de l'époque. Années 80. Comment ça se fait que Loudness n'a pas joué encore dans 15 épisodes de Subversion? De même que Death Row, c'est des bands qui figurent parmi mes favoris là, de tous les temps dans le heavy metal, dans le thrash. Comment ça se fait que ça n'a pas joué? Il y a eu 104 ou 105 groupes différents qui ont joué déjà après 15 épisodes. Ça fait preuve de la diversité qu'il y a dans le métal. C'est un monde fascinant à découvrir et à redécouvrir. Et nous sommes là pour en témoigner et en diffuser. Donc, oui, envers et contre tous, et contre le mainstream. Alors, on y va avec Loudness, une pièce de leur album. C'est pas marqué sur ma feuille, comment ça? C'est Lightning Strikes de 1986, qui aura 30 ans en juin prochain de cette année. Alors, on y va avec la pièce qui clôture cet album, Complication. Vous écoutez Subversion sur Underground Québec Radio. To love. Les Allemands de Death Row avec Raging Steel, pièce titre de leur album de 1987, un des meilleurs de cette année-là, selon moi. Raging Steel qui avait été enregistré au Music Lab Studio de Berlin en mai-juin 87, soit quelques mois après leur tournée d'une dizaine de concerts en Europe avec Voivod et Possessed à l'automne 86. Avant ça, on avait eu Agent Steel avec Children of the Sun, c'est paru sur l'album Skeptics Apocalypse de 1985. Et au début du bloc, on avait les Japonais de Loudness avec Complication de l'album Lightning Strikes, qui avait vu le jour en juin 1986, qui s'appelait à l'origine Shadows of War. Loudness, formation toujours active, après 25 albums studio, Masayoshi Yamashita, Akira Takasaki et Minoru Niara sont toujours actuellement à leur poste. On sait que Munetaka Eguchi, le batteur, que lui est né le 24 décembre, était né le 24 décembre, le même jour que l'ami de Motorhead, en fait la même date, est décédé en 2008 à l'âge de 49 ans d'une crise de foie, semblait-il. Donc c'est ça, Lightning Strikes aura 30 ans en juillet prochain, comme je mentionnais. Et ça fait du bien entendu du Loudness à l'émission. Ça faisait un bon bout de temps. Ça fait du bien. Prochain bloc, on aura les Allemands de Menschenfresser. On aura aussi du Oblivion et aussi Cataclysm qui viennent de partir en tournée européenne. En fait, ils sont partis de Montréal en début de semaine pour aller faire 42 spectacles en 44 jours sur 6 semaines. C'est ce que déclarait notre ami Stephen Henry, vétéran de la scène montréalaise, qui me confiait qu'il allait peut-être faire des prélèvements audiovisuels avec le groupe durant la présente tournée. Alors, ne sait-on jamais, peut-être aurons-nous, pour Subversion, des extraits exclusifs en audio pour l'émission. Ça reste à suivre, alors je vous invite à suivre ce dossier-là. Cataclysm, donc, tournée européenne de 6 semaines avec Septic Flesh et Aborted. Et Steven déclarait aussi qu'il partait avec avec François Ouellet, avec Squirrel, Fabio Massimo, Fontana et le lapin Rabbit Jean Deschnach, et ainsi que Gopher Henry, en déclarant que le zoo était prêt à envahir l'Europe. En fait, lui, s'il nous écoute présentement, il est mort de rire parce que lui, il se comprend, nous on comprend rien. Mais qu'est-ce que... Bref, toute cette faune en tournée pour le Of Ghosts and Gods 2016 qui les feront passer par l'Allemagne, la France, l'Irlande, l'Espagne, la Suisse, la Pologne, République tchèque, Lituanie, Estonie, Hongrie, la Grande-Bretagne, évidemment. Alors, c'est à suivre. Et puis, pour faire contraste un peu, parce que le 13 novembre dernier, lors du dernier show de BCI, il n'y avait pas joué aucune pièce de ce fameux album Temple of Knowledge. Moi, je me fais plaisir et on y va avec la trune. Damn, c'est dur aujourd'hui. On va y aller avec une de mes pièces favorites de cet album, Maelstrom 2010. Vous écoutez Subversion sur Underground Québec, partout au Québec et en Europe aussi. Blazing rain, making all the light, while rescuing our thoughts. j'ai juste dans un immeuble juste. Auf Essen hat etwas schlechtes sein. Ich bin zu jung und noch so rein. Menschen leben im Überfluss. Menschliches Dasein im Überschuss. Mansion Fresser, le trio allemand, on a entendu la pièce Morgut de 2010, c'était issu du démo du même nom. Avant ça, on avait Oblivion, un autre démo, c'était la version démo de Planète Claire. C'est un single qu'ils avaient repris des B-52s, succès de 1979, évidemment. Et au début du bloc, on avait Cataclysm avec Maelstrom 2010, de l'album Temple of Knowledge, le classique de 1996. Ce qui s'en vient, c'est un nouveau groupe de l'Abitibi, principalement de Rouyn-Noranda, ma ville natale, Evil Prevails. On sortit un nouveau single, NBK, en fait sur leur page Facebook. C'est sorti le 3 janvier, donc 3 janvier dernier. Pas beaucoup d'informations sur le groupe, avec Simon, vocaliste, Francis, guitariste, Francis Beaulieu, que je connais d'ailleurs, qui a joué dans Archons notamment. Alors je le salue bien haut s'il nous écoute. Marc-André, bassiste, Mathieu, batteur. Et Pierre-Charles, guitariste aussi. Ça a été enregistré et mixé par Francis lui-même à son studio à Rouyn-Noranda. Le mastering est l'œuvre d'Antoine Lucier de Dion Dissonance. Alors oui, ça sonne très bien. Et oui, j'aime bien malgré le fait que bon, le style de vocal core dans ce genre-là, parfois ça me rebute un peu. Mais je dois avouer que ici, ça passe très bien. Et oui. C'est bon, Evil Prevails, je vous fais écouter cette pièce à l'instant. La pièce NBK, Natural Born Killer. Faster! Evil Prevails, jeune formation de Rouyn-Noranda, avec Natural Born Killer, nouveau single sorti plus tôt cette semaine. Effectivement, définitivement, le potentiel y est. La voix, je suis plus certain. Il me semble tantôt j'avais dit que ça passait bien, mais là, j'avoue j'ai un peu de difficulté. Peut-être que je suis rendu trop vieux, je sais pas. Mais bref, je suis probablement un des seuls à chialer là-dessus, hein? Ta gueule, Tower. Mais bon, ils seront sûrement légion à les attendre pour en concert. Hein. J'ai pas lu d'informations non plus à cet effet, à savoir s'ils se produiront en spectacle bientôt, mais ça ne serait tardé, étant donné les. En jugé par les réactions de fanbase qui semblait déjà présent, du moins online. Evil Prevails à surveiller pour les amateurs du genre. On a des nouvelles, ouais. Cauchemar, oui, formation montréalaise. La semaine prochaine, on a une entrevue avec Annick Giroux du groupe Cauchemar. Et c'est en prévision d'un concert qui aura lieu au Catacombes le 22 janvier prochain. Et ils ouvriront pour Mystic Circle lors de cette soirée. Des nouvelles de Lemmy, pour Lemmy, en fait, Lemmy de Motorhead, il y aura évidemment un service funéraire à son égard qui se tiendra samedi le 9 janvier, demain, pour ceux qui nous écoutent en direct, de 3h p.m. à 4h30, le groupe Motorhead, les membres du groupe, en fait, ont tenu à ce que un service de streaming via Internet soit disponible. Donc, pour ceux que ça intéresse, ils pourront y avoir accès par le canal YouTube de Motorhead. Donc, de 3h p.m. à 4h30, samedi le 9 janvier, pour ceux que ça intéresse. Et pour ceux qui le voudraient bien aussi, pourront faire un don charitable à la Fondation pour la recherche du cancer au nom de Lemmy. Ils n'auront qu'à aller directement au Ronnie James Dio Stand Up and Shout Cancer Fund. Donc, pour ceux qui le veulent bien. Autre nouvelle qui a secoué le monde du rock. Guns N' Roses, oui, apparemment, ça a été confirmé. Hein, reformation de Axl Rose avec les anciens membres, dont Slash, Duff McKagan et... de la marde. On s'en va à pause publicitaire. Connaissez-vous Madame Sylvain? C'est en peine pour sortir avec un homme de cet âge-là. Mademoiselle L'Espérance? Ça m'a l'air louche, cette histoire-là. Oscar Bellemare? J'ai disparu dans mon corbillard. Ephraim? Tu connais-tu le comble de la valise? Et Symphorien? Oui, c'est un gars qui écoute la messe à la télévision, puis quand c'est l'heure de la quête, il ferme. Renouez avec tous les personnages de Symphorien sur DVD. Coffret collection en vente maintenant. Une nouveauté qui fera sans doute le grand bonheur du Dr. Bandragon. Parlant d'animateur de Cifou, à noter que l'émission Rock Classique à Cifou, à l'UQTR de Trois-Rivières, a un nouveau site web, le www.rockclassique.net, et vous pourrez y retrouver d'ailleurs la balado-diffusion de l'émission qui a eu lieu aujourd'hui même, consacrée principalement à la carrière de Lemmy Kilmister, alors à surveiller lorsque la dite émission sera mise en ligne. Donc, je vous invite à visiter le site de cette excellente émission rock classique animée par Alain Lefebvre et le Dr. Pendragon. Bon, on va y aller en musique puisqu'on a encore le temps de passer quelques pièces. Toutes des pièces d'albums parus en 2015. D'abord, les Australiens de Advance Sorrow en demande spéciale. Les Norvégiens de Campfire. Mais d'abord, Black Breath de Seattle. On va entendre une pièce tirée de leur troisième et excellent album Slaves Beyond Death, paru en septembre dernier, qui risque fort de se retrouver dans mon top 10 personnel de 2015. Donc, on va entendre la pièce Seeds of Cain. Vous écoutez Subversion sur Underground Québec Radio. I'm sorry, Kennedy. I'm afraid I can't do that. What's the problem? I think you know what the problem is just as well as I do.